on a déjà envie de boire pour célébrer, pour boire à la victoire. Ça va plutôt bien pour le Radioton de CKRL. Je rappelle, il y a un seul numéro à retenir pour ces dernières heures, 418-640-2575. Et on avait envie, vous savez, à partir de 16h au Radioton, on a envie d'être un peu plus festif, on a envie de se mettre dans l'ambiance de la fermeture de l'Encan. Alors quoi de mieux qu'un bon cocktail un dimanche soir? Et pour vous en parler, un spécialiste, un ambassadeur de la ville de Québec pour la mixologie, on va passer une heure avec Monsieur Cocktail, j'ai nommé Patrice Plante. Bonjour Patrice. Bonjour. C'est vraiment pas de ma faute si les gens savent pas se tenir en ce moment. Ouais, c'est ambiance bar peut-être. Ça oui, arrive aussi dans bien les sûr, bars. Bien sûr, on aime ça. Patrice, avant même de commencer l'émission, tu as un montant à annoncer à 16h. Oui, roulement de tambour pour la foule attentive, s'il vous plaît. 16h. Qu'on amène le tambour. Nous sommes à 30 852 $. Ça va bien, mais on a encore besoin de vous parce que je vous le rappelle, l'objectif est de 42 000 $ d'ici 21h ce soir. Comme je disais, 95 lots à l'Encan de CKRL où vous pouvez miser. D'ailleurs, l'atelier et l'Ophélia sont présents dans l'Encan de CKRL. C'est le lot numéro 84, une boîte cadeau d'une valeur de 200 $ comprenant des certificats cadeaux chez l'atelier Ophélia et le livre de mixologie, l'aventure de la mixologie de Patrice Plante, et même une bouteille de gin de l'atelier. Mais je suis sûre que Patrice pourra dédicacer le livre comme il bien le fait sûr, à bien toutes sûr. Les personnes qui l'achètent déjà. Absolument, bien sûr. Patrice, je disais, ambassadeur de mixologie à Québec, tu voyages partout dans le monde pour en parler, pour participer à des concours, pour faire des ateliers. Pourquoi une radio comme CKRL, une radio locale au départ, est importante aussi dans ton parcours, dans ton rayonnement? Ben, je pense que ça part toujours de la volonté de faire une différence. De, tu sais, autant la mixologie, il peut avoir une approche très mainstream, si tu me permets l'anglicisme. Autant on peut aller chercher des histoires qui vont toucher chaque personne. Je pense que c'est ça la force des radios locales, c'est d'avoir des contenus qui vont toucher chaque gens. Et c'est mon quartier, Limoilou, tu le sais bien. J'habite à deux pas d'ici, donc c'est important pour moi de continuer à favoriser le quartier et la radio. À chaque fois qu'on t'invite en entrevue, tu dis « bien sûr, je suis juste à côté ». Bien sûr. Donc, ça va vite ouais. pour venir. Patrice, ce qui fascine dans ton parcours, c'est oui, ta maîtrise des cocktails, t'es capable d'avoir des idées sur tout. Je vais te mettre au défi à un moment donné pendant cette émission d'ailleurs. Mais c'est aussi que t'étais pas du tout prédestiné à ça au départ. Je rappelle, et tu le racontes dans ta préface de ton livre L'aventure de la mixologie, t'étais à la base webmestre et designer web, au gouvernement. Absolument. Donc rien à voir avec la boisson, enfin je crois. Rien à voir avec la boisson et j'étais pas attiré non plus sur l'alcool fort. Je consommais beaucoup de la bière de microbrasserie, mais j'ai sorti dans mon premier bar, là, ça dites-le pas à ma maman, là, elle serait peut-être fière de moi, remarquez. Avant 27 ans. Donc, j'étais pas attiré. Je ne savais pas non plus, un an avant de me lancer dans cette aventure-là, ce qu'était un mojito. J'étais vraiment pas prédestiné à devenir mixologue, mais pas du tout. En fait, moi, mon réveil a été dans la cuisine. Donc, je me cherchais, j'aimais pas mon quotidien. Il y avait un feu en moi, un artiste qui voulait se développer, qui voulait créer. Et mon premier moment d'éclat, ça a été la restauration en général et la cuisine. Donc, j'étais allé étudier à 29 ans à l'école hôtelière de la capitale. Et c'est via des événements que j'ai rencontré mon premier mixologue. Donc là, on se reporte à la fin 2011, c'est quand même assez récent. Je savais pas c'était quoi ce mot-là, j'ai fait comme la plupart d'entre vous, je suis allé sur Google. Et la première fois que j'ai vu un mixologue travailler, c'est là que j'ai eu vraiment la révélation, là, okay, cet enfant-là, je l'appelle cet enfant-là, est en train de faire de la cuisine, mais devant une personne, il peut lui raconter une histoire, il peut corriger le verre s'il est pas à son goût, tandis qu'en cuisine, t'as pas ce pouvoir-là. Cette proximité-là, ouais. Exact. Et moi, c'est là que j'ai décliqué que j'aimais les gens, que j'avais besoin de ce contact-là. Les rencontres. Et toi-même, tu es allé à la rencontre des meilleurs mixologues au monde parce que en 2012, tu fais un tour du monde. Oui. Et tu vas dans les bars les plus réputés des grandes villes du monde. Alors, rappelle-moi un petit peu les villes que tu as visitées à ce moment-là. C'était une vraie folie parce qu'il n'y avait pas d'école. Il y en avait une grosse aux États-Unis qui coûtait les yeux de la tête. Fait que je me suis dit, je vais aller apprendre des meilleurs. J'ai fait une liste des 50 meilleurs bars dans le monde pour aller voir les barman travailler, leur poser des questions, noter dans un carnet de notes. Je suis donc allé au Japon, je suis allé en Europe, je suis allé à Boston, à New York, à San Francisco, Toronto. J'ai fait beaucoup de villes. Beaucoup de villes, et je suis, à chaque fois, c'était vraiment un travail. Tu sais, je descendais au bar, je commandais un dry martini, puis là, je regardais ce qui se passait, je notais, et ça s'est vraiment passé comme ça. C'est comme ça que je me suis éduqué dans l'art du cocktail. Puis c'est le fun, quand tu prends l'avion, tu as le temps de lire des livres. Fait que je lisais de l'encyclopédie du rhum, je lisais sur l'histoire des cocktails de la Prohibition, les origines aussi de la mixologie, parce que ça a quand même 200 ans, faut se le rappeler. Comment ça a intégré les saloons américains au début du 19e siècle. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Tes lectures étaient en anglais, en français, les deux? Majoritairement en anglais. Majoritairement en anglais. C'était la documentation, parce que, hein. Exact. Puis la mixologie, c'est une invention américaine. Le cocktail, comme on le connaît, avec la glace dans un shaker. Donc, la plupart des historiens et des spécialistes, c'est des livres en anglais, effectivement. D'où le livre « L'aventure de la mixologie » Absolument. Qui est arrivé bien plus tard, bien sûr, pour Patrice Plante, qui a voulu faire une bible du cocktail en français, et ça lui vaut beaucoup de nominations dans des concours internationaux aujourd'hui. Ça, c'est quand on va un petit peu plus loin dans le parcours. Avant ça, oui. On t'a aussi beaucoup connu à travers l'atelier, oui. Restaurant sur Grande Allée, spécialité tartare notamment, mais la carte de cocktail, maintenant, c'est sa réputation aussi à l'atelier. Et dans ton livre, « L'aventure de la mixologie », tu nous racontes ton entrevue à l'atelier pour faire du bar, je cite, et le stress qu'il y avait, alors qu'aujourd'hui, on t'associe toujours à ce restaurant-là. Ah oui, c'était incroyable. Imaginez-vous, là, un petit cul de 30 ans qui décide de tout lâcher, sa job permanente au gouvernement, son bureau, pour entrer dans les bars. Ma main n'était pas contente. J'ai décidé à 30 ans, et pourquoi pas commencer sur Grande Allée. Il y avait une entrevue, je me suis inscrit, mais je me sentais vraiment comme un petit enfant de 14 ans, là. J'avais la boule de stress qui me rongeait. C'était une entrevue pratique, j'ai pas eu à leur montrer mon CV. Donc, ils savaient pas que j'avais jamais travaillé dans un restaurant quand je suis allé faire l'entrevue. Et mais t'avais déjà eu tes études en cuisine à l'école? Mes études en cuisine, j'avais déjà fait mes voyages, j'avais déjà lu énormément, donc j'ai passé l'entrevue haut la main, et tout le monde pensait que j'avais des années d'expérience, donc ils m'ont jamais posé de questions sur mon CV. Ce qui m'a sauvé la vie, j'étais comme un imposteur, dans le fond. Et c'est toi qui as développé cette carte de cocktail ensuite à l'atelier? Oui, en fait, c'est allé très vite parce que l'atelier a ouvert en 2012 pendant le festival d'été. Donc, les propriétaires, Fabio et Jonathan, ont décidé de ne pas l'ouvrir, ce qui était très sage à l'époque. Donc, nous, on passait nos après-midi, toute la gang de barman nouvellement engagés, à pratiquer la carte. Et j'ai pris comme je dis, là, je vais chercher le poisson assez vite. Donc, j'ai pris le lead parce que je voyais que personne ne savait comment faire un old fashion, un Manhattan, utiliser le verre à mélange, le shaker correctement, alors que moi, je venais de le voir et de le lire partout autour du monde. Donc, j'ai pris la balle au bon, et tout le monde m'a vu dès le départ, un peu comme le chef mixologue. J'ai eu le poste 6 mois plus tard, en fait. Et j'ai donc fait la carte de la première année pour le premier anniversaire en 2013, et je la fais à tous les ans depuis. Et juste après ça, il y avait déjà un livre qui sortait en 2014. 2014. Oui, c'est ça. Je me souviens très bien de la première entrevue que tu es venu faire ici pour parler du livre. Je te connaissais pas du tout, évidemment. Je connaissais l'atelier, mais je connaissais pas le mixologue en chef. Et ce premier livre, est-ce que ça a contribué à cette médiatisation qu'il y a eu par la suite? Oui, tu sais, j'ai eu une grosse année 2014. Là, ça faisait seulement 2 ans que j'étais derrière le bar. Puis j'ai gagné 3 compétitions régionales bout à bout, donc en juin, en juillet et en août. Donc j'ai été compétitionné au Canada. Donc j'ai eu beaucoup de presse à ce moment-là, et je faisais déjà des chroniques aussi à Salut Bonjour. J'ai commencé à vouloir intégrer la radio. Donc la même année, j'ai gagné 3 compétitions, j'ai fait de la radio, j'ai fait Salut Bonjour et un livre. Fait que c'est sûr que ça a énormément contribué à mon rayonnement rapidement, là, parce que je considérais que j'étais quand même encore un petit cul. Mais bon. Et c'est Kéril te recevait déjà aussi. Et on en est très fiers d'avoir vu cette évolution à travers les entrevues, les projets. On va se mettre dans l'ambiance du cocktail. On peut pas parler de Monsieur Cocktail, l'entreprise que tu as fondée par la suite pour vulgariser le cocktail, le rendre accessible à monsieur et madame tout le monde, sans écouter des chansons qui parlent du sujet. Alors on se ramène en 1945. Voici Rum and Coca-Cola. On va voir que ça va au-delà. Oh, wow, j'aime ça. Beyond Blue Sisters, c'est Kéril. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. In old Trinidad I also fear, the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear der bingle croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, G.I. romance with native peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. Rum and Coca-Cola. Un grand classique, Rum and Coca-Cola des Andrew Sisters, à CKRL 89.1, chanson de 1945 quand même. Je suis contente, j'avais peur d'aller un peu dans le cliché avec cette chanson, mais Patrice Plante, notre monsieur cocktail de l'heure, nous dit que c'est un grand classique. Ouais, t'approuves mon choix. Ah oui, alors. Absolument. Bon. C'est pour ça que j'ai décidé de te faire un cocktail au Bacardi. Oh! Merci. Ben, je vais préciser parce qu'il y a un concept quand même derrière cette émission. C'est pas le tout de faire juste des cocktails parce que c'est populaire puis que c'est hot maintenant de boire des cocktails. C'est juste, j'avais envie de te mettre au défi avec des plus insolites. On va parler de trois types de cocktails dont on parle peut-être un peu moins habituellement. Puis on va commencer avec les cocktails à base de café. Absolument. Parce que on a eu la chance de se rencontrer pour un portrait pour monlimoilou.com que j'avais écrit sur toi, parce que tu l'as dit, tu es un fier résident du quartier Limoilou, et tu me disais que tu étais un grand passionné de café. Totalement. Qu'est-ce qui te plaît dans le café? Pour moi, c'est plus qu'un goût, c'est une émotion. C'est un des bonheurs personnels les plus grands à chaque jour dans mon quotidien. L'odeur me remplit de réconfort. C'est la boisson chaude par excellence pour moi. Là. C'est sûr qu'une bonne petite ponce l'hiver, ça fait bien des heureux. Mais pour moi, le café est absolument incroyable. J'ai 8 machines chez moi. Je me souvenais de ce détail-là donc, aussi. autant le siphon japonais, la machine espresso, comme là, tantôt, juste avant de venir après-midi, je me suis fait un cold drip qu'on appelle. Donc, c'est vraiment, ça dégoutte lentement. J'aime beaucoup les filtres aussi avec juste un V60 là, qui est un moule en céramique. J'ai un Chemex, donc je suis vraiment un grand tripeux. Je fais du latte art. J'aime beaucoup l'esprit derrière le café et les arômes différents. Donc, avec un même café, le faire en espresso, le faire en percolateur, le faire en bodum va donner des résultats complètement différents sur les arômes. Et la torréfaction vient jouer un rôle tellement incroyable. Le café, c'est un monde aussi complexe que, je dirais pas aussi, presque aussi complexe que le vin, disons ça comme ça. Ah oui, quand même. Et en termes de brûlerie, à Limoilou, on est quand même servi aussi, là, si absolument. Tu veux te procurer du café à côté de chez toi. Est-ce que les cocktails à base de café sont populaires? Il y a quand même le café infusé à froid qui a fait beaucoup parler de lui, mais en dehors de ça? Absolument. En fait, les cocktails au café sont de plus en plus populaires, sauf que le réflexe et d'utiliser le café dans son état liquide, alors que ce qui est bien, c'est d'aller chercher le côté très végétal, très amer de l'écorce. Donc, moi, ce que je te fais en ce moment, en fait, c'est un Moscow Mule au rhum. Donc, gingembre, lime et rhum. Mais je vais aller chercher les notes de café. J'ai pris un café, justement, Pilot, que j'ai pris chez Nectar Limoilou, juste à côté, qui a des arômes de pêche et de vanille. Et on va venir juste frapper dans le shaker ces grains-là. Et je trouve que la subtilité, elle est vraiment incroyable comparée à mettre le liquide qui a déjà été infusé. Donc ça, pour vraiment... moi, c'est la technique numéro 1. OK, c'est vraiment le grain entier qu'on met dans le shaker. Absolument, entier. On va venir le frapper. Là, en plus, je t'ai amené mes gros cubes de glace là, pour que vous ayez peur que je me transperce la main avec mon pic. Tout ça en direct. Hein. Si vous venez au 405 3e Avenue, vous voyez évidemment Patrice Plante à l'œuvre. On a déjà un bar de la Barberie qui est dispo. Je rappelle, vous buvez de la bière au profit de CKRL toute la fin de semaine. Mais là, en plus, Patrice Plante qui va shaker en onde. On aime ça. Shake live là, dans 3 secondes. J'aimerais ça un décompte, Houston. 3, 2, 1. Imagine, j'échappe. Est-ce que c'est une recette qu'on retrouve dans le livre L'aventure de la mixologie? Oui, vous pouvez aller voir directement le Dark and Stormy, qui est la version au rhum brun. Là, je l'ai fait vraiment avec du rhum blanc en l'honneur de cette belle chanson que tu nous as offerte. Ah ouais, comme ça en direct. Et donc, vous allez juste voir le Dark and Stormy ou le Moscow Mule. C'est exactement les mêmes proportions avec de la lime et le sirop de gingembre, Monsieur Cocktail. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient rajouter quelques grains de café au moment de frapper. Je fais un test. Oui, d'ailleurs, les produits Monsieur Cocktail aussi, là, on parlait de la création de l'entreprise. Ça remonte à quand maintenant? 2016? Deux ans. Ouais, tout à 2016 fait. 2016 déjà, pour ces fameux sirops de Monsieur Cocktail qu'on peut retrouver un petit peu partout, d'ailleurs, dans les épiceries fines. Mais ça aussi, je sais que c'est en train d'évoluer parce que les produits de Monsieur Cocktail se veulent accessibles. Donc, on va les retrouver dans encore plus d'endroits, mais des endroits familiers, là. Absolument. Déjà, juste à Québec, on est dans près de 25 IGA, 5 métros. Donc, à ta santé. Merci. Alors, tu vas voir, c'est très subtil. Et pour moi, c'est ça, l'art du cocktail. Il faut que ça soit subtil. Il faut qu'il y ait du raffinement. On n'est pas censé avoir une explosion de saveur en bouche. C'est pas comme prendre notre Nescafé le matin. C'est différent. Je me suis comme éloigné du micro. Mais surtout la passion m'a emporté. T'expliques la grande règle que normalement, dans un cocktail, il y a combien de pourcentage de sucre? Normalement, tu parles de ma fameuse formule magique de part. Oui, voilà, c'est ça. Deux parts d'alcool, une part de sirop simple et une part de jus d'agrumes. Quand vous utilisez les sirops Monsieur Cocktail, ils sont déjà acidulés. On a voulu simplifier l'art au maximum. Fait que vous mettez deux parts d'alcool pour une part de sirop. Et dans le sirop, vous avez à la fois le sucre et le jus de lime ou de citron fraîchement pressé à l'intérieur. Très rafraîchissant. Pourtant, quand on pense café, on pense à se réchauffer. Bon, à part le café infusé à froid, en effet, mais là, j'aime bien le contraste grain de café un peu amer avec ce côté très frais. Là, aujourd'hui, on ne sait pas trop à quelle saison on est, ça tombe très bien. Oh, oui, ma nature n'est pas décidée aujourd'hui. Et si tu veux, juste pour te donner une deuxième façon de la prêter, je vais te faire un old-fashioned sans alcool. Donc, plus tard dans l'émission, je vais te faire un old fashion au café. On va utiliser les mêmes ingrédients. Donc, au lieu d'utiliser du bourbon, le café va être notre base. On va rajouter juste un petit peu de lime, un peu d'amère angostura qu'on trouve dans toutes les épiceries, un petit zeste d'orange et tu vas voir le résultat est très impressionnant. On vient chercher le même esprit, la même lenteur dans la dégustation. Oui, parce que parmi les sujets que je voulais aborder avec toi, c'est ces fameux mocktails, donc les cocktails sans alcool qui devraient être aussi populaires que ceux alcoolisés, en fait, parce qu'il y a des gens qui décident de ne pas boire, qui ne peuvent pas boire aussi. Absolument, c'est sûr que l'alcool, c'est facile, hein? C'est l'éthanol, c'est une molécule qui est très puissante pour retenir les saveurs, c'est très savoureux et elle va gagner aussi une texture qui est hyper intéressante, ce qui va être difficile à répliquer en cocktail. Parce que le mocktail, pour ceux qui connaissent pas cette expression-là, en fait, c'est un cocktail qui... En fait, c'est un breuvage qui se moque du cocktail. Donc, quand on pense mocktail, on pense pas limonade. On a besoin de faire un cocktail dans un beau verre en cristal avec un beau zeste. On est dans le même esprit que la mixologie. Et idéalement, il faut aller chercher la même force de saveur. D'où l'utilisation du café ou du thé comme remplacement à l'alcool peut être très intéressant à cause de l'amertume des deux produits. Mais il faut que visuellement, ça soit aussi attrayant. Absolument. Qu'avec de l'alcool, on l'aura compris. Moins sexy. Super. On va parler dans quelques instants soit des cocktails à base de bière, soit des cocktails sans alcool. On va voir. Là, on se prépare aussi en direct. J'ai pas mentionné, on a eu un très généreux don de $225. Là, juste pour le plaisir, même pas sur l'encore qu'on peut applaudir. À 16h. Puis je vous rappelle que si vous aimez tout ce que vous entendez, vous retrouvez en partie les recettes de Monsieur Cocktail de Patrice Plante dans son livre L'aventure de la mixologie, qui fait lui aussi partie de l'encan. C'est le lot 84 avec aussi des certificats cadeaux de l'atelier et d'Ophélia. C'est une valeur de $200 quand même. Il y a la bouteille de gin de l'atelier aussi. Oui, vous pouvez pas trouver un SAQ. Ouais, on va en parler tantôt. Ouais. Mais là, la dernière mise que j'ai vue, c'était $140. Je pense qu'il y a possibilité que ça monte encore en absolument. Un peu. Absolument. Le livre est finaliste pour meilleur livre de cocktail au monde. Et on va en parler c'est aussi. C'est pas magnifique. Ouais, on va en parler dans quelques instants. Puis Patrice, tu signeras le livre à celui avec grand plaisir. Qui donne le plus généreusement. Patrice Plante, qui est toujours avec nous. Toujours, mais j'ai pas pris de bière encore. C'est pas vrai. Pris de bière. Est-ce que t'en veux une? Bien sûr. C'est quoi qu'on a comme choix en ce moment? De la blanche, c'est parfait. C'est les j'allais soirées. J'allais dire ça. Les soirées métal, rockabilly, hier, on nous réclamait encore de la bière, c'était complètement fou. Patrice, il y a encore plein de choses à aborder, il nous reste 30 minutes à passer ensemble. Je rappelle aussi que Amassan, notre masseur sur chaise, est toujours là depuis midi. Il vous masse au profit de ses KRL. Quel meilleur don à faire si vous ne pouvez pas miser sur l'encan, si bon, vous voulez faire un don, mais vous voulez quand même quelque chose en échange. Un massage sur chaise. Il y en a qui se sont sacrifiés pour la cause maintes et maintes fois. Ne prenez pas le créneau de 17h. Il est réservé à Tania Beaumont juste avant son émission de clôture. Patrice, est-ce qu'on est amateur de massage sur chaise? Est-ce que tu as déjà essayé? Tellement. Je suis amateur de massage. Tout court. En recevoir et en donner. J'aime beaucoup le massage. Parfait. Donc, tu recommandes aussi les, absolument, les massages faut aux auditeurs. Faut se détendre. Un nœud ici, vite fait. Alors, massage sur chaise, vous venez assister aux émissions ici jusqu'à 21h également. Patrice, on s'est quitté avec ça avant la pause. Ton livre, L'aventure de la mixologie, premier livre complet sur le cocktail en français, est nommé à la finale mondiale des Gourmands Awards, je vais le dire à la française, en Chine. Tu vas partir en mai pour assister à cette finale. Tu dis que c'est l'impossible prix du meilleur livre cocktail au monde. Impossible. Et on est trois finalistes. Donc il y a eu des finales, des demi-finales, c'est tout à fait irréel. Donc oui, je m'envole du 22 au 30 mai pour assister au gala. C'est comme les Oscars, mais vraiment de la littérature gourmande. Donc t'as une soirée pour les livres de cuisine, soirée pour les livres de vin, bière et spiritueux, soirée pour les émissions de télé, les magazines. Donc c'est vraiment À l'échelle internationale, tout à fait. C'est qui les deux autres? Est-ce qu'ils sont canadiens? Ils les ont pas divulgués encore aux autres compétiteurs, mais je crois que c'est, mettons, parce qu'ils ont quand même mis la liste des 10 finalistes, que ça devrait être la Hollande et les États-Unis, contre qui je me mesure. Et qu'est-ce que... Est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? C'est un label, hein, ça va apparaître sur les publicités, meilleur livre de cocktail au monde, mais pour toi, personnellement, qu'est-ce que ça apporte? Écoute, l'aventure de la mixologie, c'était un rêve, justement, de mettre sur papier, premièrement, absolument toutes les connaissances et les secrets et les erreurs et les tests et les expérimentations que j'avais fait dans les dernières années, de mettre aussi, de digérer aussi les parce que je dois avoir lu sincèrement au-delà d'une centaine de livres de cocktails dans les 6 dernières années, de digérer tout ce que j'ai retenu de ça, la substantifique moelle, comme je l'appelle, dans un livre. Il y a un livre aussi qui est très personnel, mais qui présente ce qu'on fait au Québec et au Canada aussi, ce qui le rend tout à fait unique, comment l'histoire a démarré au Québec dans la mixologie, et aussi en faire la référence française, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que dans la francophonie, il n'y a pas de livre de cocktails. C'est pour ça que moi, j'ai eu à lire entièrement en anglais durant mes recherches. Qu'est-ce que ça peut signifier d'avoir cet honneur-là? Ben, je veux dire, on verra la journée si ça arrive, mais ça peut tout changer, là. Je veux dire, dans une signature de courriel, ça paraît bien, on s'entend. Rien que pour ça, pour démarcher. Mais tu sais, c'est incroyable de voir, parce que j'ai quand même mis énormément d'énergie. Toute l'équipe a mis énormément d'énergie dans ce livre-là. Et pendant que je travaillais à l'atelier, pendant que je fondais Monsieur Cocktail, que j'ai écrit ce livre-là, j'en ai eu des nuits blanches, des semaines à devoir aller dans un chalet pour avoir la paix puis écrire 10-12 heures par jour, des révisions. C'est 6 mois de travail à temps et demi, je dirais, pendant une année. En gardant ton travail, là, avec Monsieur Cocktail, que tu avais déjà fondé à ce moment-là, notamment. Puis c'est pas juste un livre de recettes, parce que quand tu parles de tes lectures, je suis sûre qu'il y a des livres avec plein de photos et très peu de textes aussi. Oui. Mais là, le livre que toi, tu as choisi de faire, c'est des illustrations originales, avec vraiment une chronologie de l'histoire oui. du cocktail. C'est pour ça que tu parles de ton équipe aussi. Oui, c'est signé Patrice Plante, mais il y a énormément de gens qui ont travaillé avec toi. Il y a énormément de gens en arrière. Les recettes, on les a testées. T'sais, on parle de près de 70 recettes de sirop, de shrub, de purée, 128 recettes cocktails en 2 versions, la version simplifiée avec les sirops Monsieur Cocktail et la version pour les professionnels ou ceux qui veulent impressionner la tendre moitié, et sont classés par chronologie. Fait qu'on se dit souvent le Long Island Iced Tea, le Cosmo, le Dry Martini, ça vient de où? Eh bien là, on a toute l'information directement et on peut comprendre, exemple, que le Dry Martini est né, ça fait quand même très longtemps, là, plus de 150 ans, tandis que les cocktails qu'on est habitués, qui sont ancrés dans notre enfance, enfance adulte, voilà. Qui sont ancrés en fait dans nos souvenirs. Tu sais, le fameux Lagon Bleu, c'est très très très récent et ça fait pas partie de cette culture-là. Donc pour moi, c'était de rendre rendre l'histoire beaucoup plus digeste que ce que j'ai eu à me taper avant pour résumé. En arriver là, exact. Et des anecdotes de ton parcours aussi. On parlait tantôt de l'entrevue à l'atelier. Tu parles aussi du stress qu'il y a autour du métier de mixologue. Oui. Hein, quand vous êtes sur des événements, ça ne s'arrête pas. Vous travaillez des heures et des heures à servir les gens, à avoir le sourire quand même, malgré exactement. Les réponses bêtes que vous pouvez avoir. Il y a un beau passage dans le livre par rapport à ça. Oui, vraiment. Vraiment, c'est très difficile psychologiquement. Il faut le vivre, en fait. Je pense que la restauration, on ne peut pas comprendre si on ne l'a pas vécu. C'est vraiment un autre mode dans la tête, un autre mode physique. C'est très, très, très, très, très éreintant, très difficile, autant psychologiquement que physiquement. Parce que la moyenne des chiffres, ça peut être 14 heures, 15 heures. Il y a la fatigue physique, mais en plus, c'est la psychologie d'avoir à rester alerte, à calculer rapidement, à se rappeler des ordres, à se rappeler des recettes, à sourire, à répondre aux gens, à pas oublier, bon, etc. On connaît il faut vraiment le vivre pour le comprendre, je pense. Et être passionné. Surtout, oui, bien sûr. J'imagine. Toujours. Ça aide toujours. Donc, je vous rappelle, l'aventure de la mixologie, l'eau 84 en ce moment à l'encan de CKRL. Je ne sais pas où on en est sur les mises, mais pour ce lot, on est à une valeur de 200$. Ça ne comprend pas juste le livre, il y a des certificats cadeaux. Il y a une bouteille de gin de l'atelier aussi, parle-moi-en. J'ai pas assez de 102 projets par année, fait que j'en ai rajouté un 103e. c'est toujours un rêve qu'on caresse de créer son propre alcool. On voit l'engouement pour le gin présentement au Québec qui est complètement ahurissant. En tant que restaurateur, on a accès aux statistiques de vente de la SAQ et les bons sont absolument effarant. Juste dans la ville de Québec, on parle de 25% d'augmentation des ventes de gin l'année dernière, 17% à la grandeur du Québec. C'est des centaines de milliers de bouteilles de plus. Alors, guys, je pense que vous avez, vous buvez un peu moins de Baileys. Ça serait ça mon ma conclusion. Mais donc, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose, mais moins boréal, moins racé, moins forestier que ce qu'on voit apparaître beaucoup, parce que ça fait partie de notre culture. On est dans une région nordique, faut en être fier. Donc, je voulais faire quelque chose de plus raffiné qui me rappelait les origines du gin, le côté anglais, la cérémonie du thé. Donc, j'ai mis du thé noir, de la bergamote, de l'argousier, du pamplemousse à l'intérieur pour faire un gin qui se boit très bien seul et qui est aussi adapté au cocktail en général. Donc, c'est un projet qui a duré à peu près, ça a été 8 mois de développement avec Jean-Philippe Doyon de l'Absenterie des Cantons à Granby. Et maintenant, le petit nectar est disponible à l'atelier seulement. Donc, c'est vraiment une importation privée. On le fait vraiment pour le restaurant. Donc, si vous mettez la main dessus, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc, si je me souviens bien, on demande la bouteille de gin à l'atelier. Elle reste à votre nom au bar. Est-ce que ça fonctionne toujours comme ça, Patrice? Oui, vous pouvez acheter la bouteille, mais elle doit rester à l'atelier. Pour le moment. On ne sait pas ce que le futur réserve. Voilà. On ne sait pas ce que le futur réserve, projet 104. Mais tout ça pour dire que pour l'instant, ouais, c'est une exclusivité du restaurant si vous voulez y goûter. Alors, raison de plus, là, si vous voulez une bouteille de gin de l'atelier, de miser sur le lot 84, je rappelle le numéro 418-640-2575. Patrice Plante va signer le livre à votre nom ou au nom de la personne de votre choix, si vous l'avez déjà et que vous voulez l'offrir. Il n'y a aucun problème, je suis sûre qu'il sera s'adapter. Signer le livre en blanc, là, si vous ne savez pas encore à qui vous voulez le donner. Compléter le prénom par la suite. Patrice, on va faire une pause. J'aurais dû goûter un cocktail, mais on a trop parlé de tes projets. On va faire une pause musicale, toujours avec des chansons sur la thématique du cocktail, yes, et des spiritueux. Voici Masque de Rhum avec Sonny Duval. Alors avec Masque de Rhum, Sunny Duval à CKRL 89.1, qui était au Radioton de CKRL d'ailleurs il y a quelques années. C'était d'ailleurs moi qui animais l'émission. Donc voilà, on est toujours dans notre heure avec Monsieur Cocktail qui approche à sa fin, et on va finir en beauté avec un cocktail convivial, un grand classique des classiques, le fameux Mojito. Le fameux Mojito. Mojito, hein, moi je dis Mojito. Ouais. Mojito, si! Mojito! Un grand classique, mais de loin le classique le plus massacré de l'histoire de l'humanité. Tout le monde s'essaye en même temps. Tout le monde s'essaye. On a toute l'image de Juan, tu sais, dans le bar là, qu'on a avec notre petit bracelet orange, là, tout inclus. On a donc ben hâte. Puis là, il est en train de faire un mojito dans un verre en plastique qui a tellement passé au lave-vaisselle qu'il est rendu blanc opaque. Il met des limes, de la mangue, du sucre. Il se fait aller le pilon. Il fait rah, rah, rah. Puis là, il est en train de créer la pire boîte de crème de menthe de l'histoire de l'humanité. Mais c'est gratuit. Donc oui, le mojito est vraiment massacré, les amis, parce qu'on ne doit jamais piler la menthe. Ça, très peu le savent. Hein? Moi, je l'apprends aujourd'hui. Menthe pilée égale crème de menthe. Là, ça dégage de l'amertume. Il faut juste la taper dans les mains. Et ça, si vous avez déjà été servi au bar de Monsieur Cocktail dans bien des événements, parce que vous êtes présent un peu partout à chaque fois, moi, je suis toujours impressionnée par la petite frappe de la menthe. Je me demande toujours à quoi ça sert, mais on a la réponse. Donc. Absolument. En fait, c'est qu'on vient juste éclater les molécules de chlorophylle à la surface de la feuille et on dégage l'arôme. Quand vous le pilez, vous la déchirez. Puis quand vous déchirez n'importe quel végétal, ben, il y a une huile amère qui se sécrète parce que l'amertume vient du monde végétal. Coup de théâtre. Mais on peut quand même le faire donc en saladier là, grosse portion aussi. Puis t'as une primeur à annoncer, oui, Patrick, mais en fait, pour CKRL, on le précise. On a fait ça en combien de temps, ce mojito là? Je sais pas, une minute, même pas. 38 secondes. Ouais. En fait, c'est ça la nouveauté, c'est quand j'ai commencé à faire de la mixologie à l'atelier, je trouvais que c'était trop compliqué. Et ma vérité à moi, malgré tout l'enseignement que je peux faire, malgré le livre, c'est que la mixologie à la maison, ça marchera jamais. Parce qu'il y a trop d'équipements à acheter, il y a trop de techniques, c'est trop compliqué, ça prend trop de glace. Donc, avec Monsieur Cocktail, ce qu'on lance dans quelques jours, en fait, c'est une nouvelle façon de faire les cocktails. Et on vous l'annonce en primeur à CKRL. Pour CKRL. Pour CKRL. Yeah. Alors, on a retravaillé tous les cocktails classiques de l'histoire de l'humanité. Et le but était très simple, de les faire en moins de 2 minutes pour 6 personnes avec seulement des tasses à mesurer. Ça fait 6 mois qu'on travaille là-dessus, projet 118. Et on l'a eu. Alors, on met ça sur notre site Internet dans les prochains jours, semaines. Et là, c'était ça l'expérience. Donc, on fait juste, on a, avec nos sirops, étant donné qu'on a déjà l'acide et qu'on a déjà le sucre, c'est hyper rapide. T'as vu, on a fait un mojito en 3 étapes avec une tasse à mesurer. Il reste juste à mettre un petit peu de soda puis se faire sortir la tasse à ponche puis à se garrocher sur le saladier, justement. Et on a fait ça pour tous les cocktails classiques. Donc, ça va toujours goûter bon. Ça sera pas compliqué. Ça vous prend juste des tasses à mesurer et le tour est joué. Et tout le monde a ça chez soi. Tout le monde a ça chez soi, exactement. Du moins, c'est là-bas. Si vous devez avoir quelque chose, au lieu puis d'avoir le rapide, fameux shaker... Puis c'est rapide. Le but, quand on reçoit, c'est d'être avec notre monde. C'est pas d'être dans la cuisine pendant 3 heures à shaker puis à faire des old-fashioned. Donc là, vous pouvez même les faire d'avance, les filtrer, les mettre en bouteille, puis ça se sert aussi vite que du vin pour toutes les recettes. Alors un mojito, je précise même qu'aujourd'hui c'est dans un saladier en plastique, donc c'est pour vous montrer l'accessibilité de ce cocktail. Ouais, pas besoin. On le dira pas trop fort, là, mais ressemble à un bol à biscuits là, du Walmart. Mais en tout cas, ça a été très facile. Moi, j'ai juste eu à verser le liquide dans le saladier. Tu peux même tester live là, pour voir si je raconte juste des niaiseries. Ben, tu vas pouvoir combler pendant que je bois alors. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Patrice? De toute façon, on peut garder la version plus expérimentée et plus complexe. Pour oui, bien plutôt, entendu. Hein? Dans le fond, quand vous allez aller sur le site de monsieur-cocktail.com, vous allez avoir toutes les recettes à l'unité de façon standard et vous allez avoir la version qu'on appelle au pichet. Donc, vous sautez au pichet et automatiquement, vous avez la version pour 6 personnes qui se déploient à vous. Bah, côté goût, on n'y voit que du feu. Que tu me dises que tu as fait ça avec des tasses à mesurer ou un shaker, moi, je vois rien du tout, là. C'est l'important. C'est l'important. Merci beaucoup. Paris réussi. Donc, on retrouvera les recettes. Ça sera annoncé, j'imagine, sur le Facebook. Sur la page Facebook de Monsieur Cocktail, absolument, d'ici le début du mois de mai. Entre-temps, parce qu'on parle beaucoup, mais tu m'avais fait un autre cocktail. Oui. Tu l'avais mentionné pendant l'émission. Le Old Fashioned au café. Donc, comme je disais tout à l'heure, la science du mocktail ou du cocktail sans alcool, c'est d'essayer de trouver une base qui va être aussi amère, aussi intéressante dans les saveurs que l'alcool. C'est très difficile, là, essayer de remplacer le rhum par du jus d'orange, mettons. C'est peut-être pas la meilleure chose. Il faut aller chercher des ingrédients qui sont très amers à la base. Donc, vos deux plus grands amis, c'est le thé et le café. On fait le old fashion et un cocktail très simple, là, c'est beaucoup d'alcool, un peu d'amère et un peu de sucre. Donc, c'est une belle façon de savoir si notre thé ou notre café peut s'y prêter. Je t'en ai fait un au café avec le sirop de lime Monsieur Cocktail et un peu d'amère Angostura. Mais vous pouvez aussi utiliser des thés puers que vous allez infuser à froid. Les thés puers, c'est des thés qui ont vieilli, qui ont fermenté. Il y a des thés puers là, qui goûtent le chocolat, la betterave, le bois, le garde-robe de cèdre, allez-y donc. Donc, vous pouvez utiliser ces arômes-là qui sont très puissantes. Les infuser à froid. C'est quoi infuser à froid? C'est que vous mettez une part de thé pour quatre parts d'eau froide et vous gardez ça entre 8 heures et 24 heures au frigo. Et après ça, vous filtrez. Vous n'aurez pas l'amertume du thé, mais vous allez avoir toutes les saveurs puissance 28. J'aime beaucoup le chiffre 28. Donc là, dans ce old fashion, il n'y a zéro alcool. Zéro alcool. Mais l'esprit est là. L'esprit, là. Moi, je tiens pas à l'alcool, donc c'est mieux de me donner des choses comme ça. C'est fun d'alterner. On peut alterner, tu sais. Ben un oui. vrai, un faux, un vrai, un faux. C'est bon à jusqu'à savoir. Jusqu'à temps que tu saves plus, c'est quand c'est le vrai puis le faux. C'est bon. Là, c'est là qu'il faut arrêter. Monsieur Cocktail, on rappelle le site internet. Oui, si monsieur-cocktail.com, au long. Et il y a autant des formations, des cours qu'on peut prendre à la carte ou suivre une session complète. Des ateliers à domicile, qui est notre nouveauté aussi du printemps. Donc, on a fait des Geneviève Evrel de nous-mêmes. Donc, au lieu d'être sushi à la maison, c'est Monsieur Cocktail à la maison. Des formules tout inclus, là, on débarque avec l'alcool, les verres, les ingrédients. On fait des petits ateliers avec les outils, vous apprenez à faire des drinks, on rit, on trinque. Puis, on est parti dans le temps de le dire, dans la propreté. Et Patrice Plante, en plus d'être nommé pour le meilleur livre de cocktail au monde, Gourmand Awards, je le rappelle, tu es aussi nommé comme meilleur mixologue de l'année au prix Laurier. Ça, c'est le premier concours québécois de la gastronomie. Donc, je sais que la réponse, c'est genre le 16 avril, donc c'est pour très bientôt. C'est lundi prochain, oui, exactement. Ben, pas lundi qui s'en vient, l'autre d'après. Bonne chance, Patrice Plante. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous ici. On est prêts pour ces dernières heures du Radio C'était mon plaisir. De C'était CKRL. Mon plaisir. Merci, CKRL. Merci, les Moilous. Et dans quelques instants, c'est notre Jean-Sébastien Grondin national, Johnny Rottweiler, pour une heure avec Lilithi, s'il vous plaît. Ça va être dans quelques instants, le temps qu'on débarrasse le bar d'ici à CKRL. Venez nous voir, 405 3e Avenue.